Chapitre 13e, Tchéribim fait un rapport. Au milieu de la nuit, Malcolm fut tiré de son sommeil par un cri d'agonie. Il sauta de son banc, le visage baigné de sueur. Qu'y a-t-il ? Malenkov, assis, se frottait les yeux. Tchéribim n'avait pas bougé. Étendu, les mains sous la nuque, il était complètement réveillé. « Qu'est-ce que c'était, Tchéri ? » répéta Malcolm. Lentement, le petit homme se leva et s'étira. « Eh oui, je croyais qu'ils n'accompliraient pas leur programme jusqu'au bout. Mais je me suis trompé, c'est le vieux juif. » On entendit claquer une porte. « C'est la porte de la cellule, ils emportent le corps, probablement. Le précédent a été pendu un crochet dans un sac. Il a mis longtemps à mourir. » ajouta pensivement Tchéribim, dont la lèvre inférieure tremblait en dépit de son ton calme. À partir de ce moment, aucun des prisonniers ne put se rendormir, et ce fut un soulagement pour eux de voir se lever le jour. Mais le répit ne fut pas de longue durée. Tout à coup, la porte s'ouvrit violemment, et un groupe de soldats parut sur le seuil. « Boris Mikhailovitch !» appela l'un d'eux. Le pope se leva lentement. Son teint était terreux. Ses mains tremblaient. Néanmoins, il marcha d'un pas ferme vers la sortie. Avant de suivre les hommes, il se retourna et, levant la main, bénit ses compagnons de captivité. Malenkov tomba à genoux. La porte se referma et la prison redevint silencieuse. Mais 10 minutes ne s'étaient pas écoulées qu'une salve de mousqueterie les fait sursauter. Tchéribim s'essuya le front. « Enfin, dit-il d'une voix mal assurée, il vaut mieux cela que la pendaison. » Irène revint à la même heure que la veille. Elle chercha du regard le pope et, comprenant sans doute la raison de son absence, n'y fit aucune allusion. « Si vous parvenez à fuir, dit-elle au prisonnier, allez après au Bojanski. C'est un village à quelques berstes d'ici. Je vous donne ce conseil, quoique elle n'acheva point, mais son air désolé en disait long. « Excusez-moi, miss, interrompit Tchéribim, n'y aurait-il pas moyen de se procurer un revolver, n'importe lequel, mais je préférais un Colt. » Irène secoua tristement la tête. « C'est impossible. Je suis fouillé avant d'entrer ici. » « Et dans un pâté, insista Bim, j'ai lu que ça se faisait beaucoup. » « C'est également impossible. Même le pain est coupé en 4 dans la loge du concierge. » Tchéribim jeta un regard dormi sur l'arme que portait le soldat en faction devant la porte. « Je parie, dit-il avec amertume, que cet imbécile ne sait pas mieux se servir de son revolver qu'un enfant au maillot. » « Il faut que je m'en aille, » dit la jeune fille avec un peu de précipitation. Malcolm prit la parole. « Dites-moi auparavant quel est l'ami dont vous parliez hier. Est-ce Israël Kensky ?»« Chut !» fit-elle, et lui tendant la main. « Au revoir, Master Hay. Il se peut que je ne revienne pas demain. » D'une voix un peu dure et plus bas, elle ajouta. « Bulba m'a déclaré ce matin qu'il avait des intentions à mon égard. Adieu. » Cette fois, elle tendit aussi la main à Malenkov. « N'oublie pas le nom du village, Preobojensky. Si Dieu, dans sa miséricorde, permet que vous arriviez jusque-là, vous vous arrêterez chez Ivan Petrov. Retenez ceci, n'est-ce pas ?» Et la grande duchesse disparut. C'est étrange, son altesse a changé subitement d'attitude, comme si quelque chose l'avait effrayé. Malenkov alluma sa dernière cigarette. « Mon cher, dit-il, j'ai l'impression que vous et moi, nous aurons le même sort que l'infortuné Pope. Du reste, tenez, voilà peut-être du nouveau. » Un officier de la garde rouge venait d'entrer dans la prison. On l'avait probablement choisi parce qu'il savait l'anglais. Il s'adressa aux prisonniers dans cette langue. « Je viens chercher le voleur. »« Il me semble qu'on parle de moi, » dit Tchéribim en mettant son chapeau sans se presser. Il s'en alla, en bras de chemise, et les deux amis le virent traverser la cour et s'engager sous le passage voûté conduisant au bureau de la prison et à la porte extérieure. « Je suppose qu'ils ne vont pas le relâcher, » dit Malcolm. « Non, on va seulement l'interroger. Il y a évidemment quelque chose que Bulba veut savoir par nous, et il essaiera de faire parler cet homme. » « Il ne dira rien qui puisse nous nuire, » déclara Malcolm après quelques instants de réflexion. « Pourtant il m'a l'air d'un philo de premier ordre. Oui, mais c'est un homme de ma race. » Peut-être ne lui confierai-je pas mon portefeuille. Cependant, je crois que ma vie est en sûreté entre ses mains. » 20 minutes après, Tchéribim était de retour, très solennel et mystérieux. Dès que le geôlier fut parti, il demanda. « Où est Israël Kensky ? Pourquoi ? » repartit Malcolm vivement. « parce que je suis en train de faire une déposition à son sujet, une déposition écrite, s'il vous plaît. On va me donner une chambre pour moi tout seul, parce que je n'ai pas la plume facile. Il me faudra raconter tout ce que la demoiselle a dit de lui. Ce sera fait en une seconde, alors. Oh, ne vous emballez pas, du calme. On m'a renvoyé ici pour vous poser deux ou trois questions. Il ôta son melon, en examina attentivement l'intérieur et le remit sur sa tête en l'enfonçant d'un coup de poing. Voilà. 10 minutes s'écoulent dans une conversation supposée à propos d'un livre. Le livre magique, acheva Malcolm. C'est ça. Je dirais qu'il contient l'histoire de cette prison de malheur. Là-dessus, il prit son veston, le secoua, l'enfila et, plein d'entrain, marcha à la rencontre de l'officier qui venait le chercher. Ses compagnons passèrent de mortelles heures avant qu'il reparût. Le gangster avait l'air plus solennel que jamais. Sans répondre à leurs questions, il se mit à arpenter la cellule en chantant avec plus de raison que de rime. « Regardez à travers le grillage. Si quelqu'un nous écoute ou nous regarde. Tralala, lalala. Personne, dit Malcolm, après une brève inspection. Alors Jerry, s'arrêtant et parlant très vite, murmura. Il va revenir dans 5 minutes. Je lui ai dit que j'avais besoin d'éclaircir un ou deux points obscurs. C'est pour ça qu'il m'a ramené. Si j'avais voulu, mais je n'ai pas voulu. Quoi donc? Me sauver. Vous seriez resté seul. Savez-vous ce que j'ai trouvé dans la pièce où j'étais écrire? Un homme en train d'enfermer dans une armoire 3 revolvers et 10 paquets de cartouches. Et quelle armoire? Vous auriez pu ouvrir la serrure avec vos dents. Ça a l'air d'être un conte de fées, mais c'est authentique. Et on vous a laissé seul, bien entendu. Soulevez mon chapeau avec délicatesse, s'il vous plaît. Mr. Hay obéit et l'on lui poindre un canon de revolver. Il y a un Browning là-dessous. Soyez prudent, dit Jerry Bim en plongeant la tête en avant et retirant son melon d'un seul coup. Le colt est sous mon bras, dans ma manche. Le voilà. Il y a aussi les cartouches pour l'automatique. Je m'adjuge le colt. Maintenant, écoutez-moi, camarade. Derrière ce portail, au bout de la cour, il y a une autre cour et un autre portail gardé par une sentinelle. Nous passerons ou nous ne passerons pas, ça dépend de notre veine. Attention, voilà notre homme qui revient. L'officier ouvrit la porte et fit signe à Bim de le suivre. Comme il se retournait, Bim le saisit par le pan de sa tunique et le tira violemment en arrière. Un mot et tu es mort. L'officier, sentant le canon d'un revolver appliqué au creux de son estomac, leva les mains. Attachez-le, il porte des bretelles, commanda Bim. Pendant ce temps, je le débarrasse de son arsenal. Il prit le ceinturon, en retira un revolver. Il boucla le ceinturon autour de sa taille et poussa un soupir de satisfaction. L'officier fut bâillonné avec un mouchoir et jeté sans douceur sur le banc. Puis les fugitifs franchirent le seuil de leur prison, dont Bim verrouilla soigneusement la porte, rabattant le volet extérieur pour rendre le séjour plus obscur et plus insupportable encore. Les 3 hommes se glissèrent dans la tranchée. Un soldat monta la garde près du portail de l'autre côté de la cour. « Restez ici !» chuchota Bim. « Comme il m'a vu aller et venir tout à l'heure, il me croit peut-être un fonctionnaire de l'établissement. » Il sortit de la tranchée et marcha hardiment vers la sentinelle. Lorsqu'il n'en fut plus qu'à 2 pas, il se retourna comme pour saluer un compagnon imaginaire, en réalité pour s'assurer que personne ne le voyait. Ce qui suivit fut incompréhensible pour ses compagnons. Soudain, le soldat se plia en 2 comme un canif et tomba. Jerry ramassa sa carabine, l'appuya contre le mur et déployant une force inattendue chez un si petit homme, il empoigna sa victime et la jeta dans la tranchée. Malenkov et Malcolm entendirent le bruit de la chute et cessant de se cacher, ils rejoignirent Bim en courant. Tous 3 s'engagèrent sous le passage voûté de l'autre côté duquel ils se trouvèrent en présence de la clôture extérieure. Elle consistait en une formidable grille flanquée de 2 guérites devant lesquelles une demi-douzaine de soldats étaient assis ou à demi-couchés, mais tous armés de carabines. À gauche, un mur très haut ôtait toute possibilité d'escalade. À droite se dressait une sombre bâtisse que Malcolm devinait être les bureaux de la prison. « Entrons là !» dit Bim dans un souffle. Et, apercevant une porte ouverte, ils se faufilèrent dans la première pièce venue. Elle était vide, mais à peine eurent-ils refermé la porte qu'un bruit de pas se fit entendre. Bim, la figure contractée, s'immobilisa, un revolver dans chaque main. Personne n'entra. Pourtant, une certaine agitation se manifestait à l'extérieur. Le portail grinçait, des voix s'élevèrent. Malcolm rampa jusqu'à l'unique fenêtre de la chambre qu'il devinait être celle où Bim avait écrit et regarda au dehors avec précaution. Une superbe limousine entrait dans la petite cour. Précipitamment, il se baissa de nouveau. « Ça doit être un visiteur de marque, » dit Bim, qui l'avait rejoint. « On va le recevoir ici. » « Le type que nous avons laissé dans la cellule m'avait bien dit qu'on avait besoin de cette pièce. Essayons cette porte-là. » Il indiquait un grand placard et Malenkov s'élança pour l'ouvrir. À mi-hauteur, une étagère encombrée de paperasses en rendait l'accès difficile. Malenkov la souleva d'un coup d'épaule. La planche et les papiers dégringolèrent avec un fracas heureusement étouffé par le ronflement de l'auto. « On peut s'y mettre trois en se tassant, » déclara Bim. « Entrez le premier, Master Hay. » Ce n'était pas un tassement, c'était une torture, mais la porte se referma sur eux. Il était temps, quelqu'un entrait dans la pièce. Malcolm, qui avait une stupide envie de rire, redevint grave, en reconnaissant la voix de Bulba. « Je ne resterai pas longtemps, camarade, » disait-il, « mais... » Le reste fut un murmure. « On veillera à ce qu'elle soit bien gardée, » répondit une voix, sans doute celle du directeur de la prison. Malcolm se mordit les lèvres pour ne pas crier « Irène !» « Oui, camarade, je vais vous l'amener. Laissez-moi vous conduire à une chaise. » Ils entendirent l'homme inconnu retourner à la porte et appeler quelqu'un. Immédiatement après, une troisième personne fit irruption dans la pièce. « Qu'est-ce que cela signifie, Bulba ?» En entendant cette voix, Malcolm éprouva un tel soulagement qu'il n'eut plus conscience de son propre danger. « Sofia Kensky, » dit Bulba, « par ordre du soviet, je vous arrête. »« Moi, arrêtez ?» hurla-t-elle. « On a découvert que vous complotiez contre la révolution. »« tu mens !» glapit la juive. « Démon d'aveugle, je te crache à la figure. »« Tu m'arrêtes parce que tu veux me remplacer par l'aristocrate, par cette Irène Yaroslav. »« C'est l'ordre, chère petite âme. N'aie pas peur, je m'en vais seul. Écoute mon auto qui tourne. Que vais-je devenir sans yeux maintenant que ma petite maman sera partie ?» Il repoussa bruyamment sa chaise, mais jetant un cri perçant, Sofia se jeta sans doute sur l'aveugle, car il eut un remue-ménage. « Emmène-la, camarade !» rugit Bulba. « C'est son père qui m'a rendu aveugle. Emmène-la donc !» À ce moment, Tchérébim bondit hors du placard, revolver au poing. Et le fonctionnaire interdit recula. « À l'auto maintenant, hey, chargez-vous de la sentinelle !» Malenkov déjà s'élançait de la porte à la voiture. Des soldats se précipitèrent sur Bim. Il ne savait pas le russe, mais ses revolvers étaient polyglottes. Il fit feu trois fois et sauta dans l'auto qui démarrait. Malcolm était debout sur le marchepied, Malenkov de l'autre côté, auprès du chauffeur. C'est ainsi chaoté qu'ils traversèrent les rues mal pavées de Moscou et atteignirent sans encombre la barrière suburbaine.